Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Tin Pan Alley, les débuts de la musique populaire aux États-Unis. Tin Pan Alley, quartier légendaire, un endroit unique au monde. Dans cette rue fébrile et joyeuse, on vendait une partition de musique comme l'on vendait un saucisson. On faisait de l'art avec un petit A. Cette rue que décrit Henri Barrasse à l'émission L'Aventure en 1989, on va la surnommer Tin Pan Alley. C'est là que va naître, en quelque sorte, l'industrie de la musique populaire aux États-Unis. Bien avant la radio ou même le gramophone, c'est sur ce petit bout de rue, de la 28e rue, entre la 5e et la 6e avenue, qu'on vendra les partitions d'à peu près toute la musique qui sera écrite aux États-Unis à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Henry Burr interprétant « Won't you come over to my house », une chanson d'Irving Gillette enregistrée sur Tin Pan Alley en 1906. Pour nous raconter l'histoire de Tin Pan Alley, je reçois l'auteur, compositeur, interprète Steve Normandin. Steve, bonjour. Bonjour. Quelle importance a eu Tin Pan Alley dans l'histoire de la musique américaine? La plus grande, et j'explique ceci, vous savez, tout simple, c'est que dans un tout petit espace, à peine 500 mètres, la concentration, c'est la convergence avant l'heure. Ouais. C'était l'endroit où les éditeurs rassemblaient des compositeurs pour venir composer à résidence et des auteurs aussi de chansons qui essayaient d'être sensibles à tout ce qui pouvait se passer autour d'eux dans une ville. Là, New York, c'est un vivier extraordinaire, d'autant que le quartier même où Tin Pan Alley était situé, c'était plein de Juifs, de Polonais, des Italiens, des Grecs. Alors, il y avait à la fois cette immigration toute récente, parce qu'on est quand même dans un pays tout neuf, Ouais. Et ces gens-là avaient à la fois besoin d'être divertis. Le public, il y avait un public tout beau et tout neuf. Et comme ils étaient européens, quand on entend M. Barras qui dit « Oui, c'est de l'art avec un petit A », moi, je trouve que c'est plutôt avec un grand A, parce que comment faire pour aller toucher la fibre de tendresse, d'amour ou d'humour aussi, Ouais. Et d'avoir un humour commun et d'avoir réussi à faire la synthèse de tout ça pour produire des chansons, les commercialiser, en faire des partitions et plus tard des disques Ouais. Et plus tard des films et pouvoir faire œuvre et montrer à la face du monde Ouais. Que l'Amérique pouvait chanter. Toute l'industrie, la production, la distribution de la musique, à ce moment-là, ça se passe dans un pâté de maison. C'est fou. Exactement. Ça vient d'où le nom, Tin Pan Alley? Il y a plusieurs sources, mais celle qui semble la plus digne de foi, la plus digne de mention, c'est qu'un journaliste, un jour, travaillant pour le New York Times, voulait rendre compte, en fait, du travail immense des auteurs de chansons, ce qu'on appelle des songsmiths, si vous avez, on va dire plutôt des forgerons de la chanson. Ouais. Alors, il se rend pour voir les éditeurs chez Remick ou chez Shapiro, et il se rend compte, en fait, que comme il fait chaud, toutes les fenêtres sont ouvertes, mais comme tous les compositeurs à cette époque-là ont des pianos et ils jouent tous en même temps, il dit, mais ça fait un bruit de casserole en fer blanc, tout le monde qui pling, ploum, ploum, ploum. Alors, Tin Pan, c'est vraiment la casserole en fer blanc, et comme c'était sur une artère, eh bien, il a tout simplement appelé ça l'artère des casseroles en fer blanc, mais bon... Qui écrivait ce qu'il entendait. Absolument, mais c'était bien sûr sous un couvert humoristique, mais l'image a tellement fait forte impression que On a pris toutes ces chansons qui avaient été composées dans cette rue-là entre 1880-85 jusqu'à la guerre de 14 et on s'est rendu compte que Tin Pan Alley, ça pouvait très bien convenir. Pourquoi pas? Puisque ça fait de la casserole, nous, on va faire de la musique à travers ouais. ça. Et ils se sont appropriés l'expression. Puis c'est devenu, bon, ça désigne un lieu, ça désigne ce qui se passe, cette espèce de fabrique, de manufacture à chansons, là, ce qui se passe sur ce petit bout de rue-là. Et ça devient presque aussi Tin Pan Alley par extension, l'expression. Ça devient un style, au fond. Et même une marque de commerce. Ouais. C'est-à-dire que quand on prend la chanson telle qu'elle est composée, on se dit, OK, c'est Tin Pan Alley. Pourquoi? Parce que le refrain est fait de telle façon que le premier thème est exposé et ensuite, il y a une reprise du thème au niveau musical et les histoires sont toutes simples avec un petit refrain de rien du tout qu'on appelle un verse en anglais. Ouais. Et c'est vraiment sous une forme très précise. Ces chansons-là sont à peu près tous du même moule. Ouais. Ça commence quand et pourquoi? Dans quel contexte l'histoire de Tin Pan Alley? Bien, en fait, à la fin des années 1800, vers 1893 plus précisément, il se trouve qu'il y a tout un pan de rue qui est construit pour faire des maisons privées. C'est des Italiens qui les ont fait fabriquer. Et quand des éditeurs essaient de se chercher des bureaux, il se trouve qu'il y a des endroits à location. Alors, il y a un monsieur qui vient s'installer, c'est M. Withmark, le premier à avoir installé son bureau. Donc, bon... Un éditeur dans la ville, c'est pas mal. Il doit en avoir un peu partout. Mais comme le lieu est sympathique, il a l'avantage en étant entre la Fifth Avenue, donc la 5e Avenue, et Broadway. Ouais. Et Broadway, c'est la fameuse rue des théâtres et tout ça. Donc, pour s'approvisionner en chansons, les artistes n'ont qu'à remonter Broadway jusqu'à la 28e rue Ouest. Et ils se disent, ah ben, il y a un éditeur qui est là. Mais là, ils s'étaient rendu compte que c'était facile d'y avoir accès. Alors, il y en a un autre et un autre qui est venu s'installer. Ouais. Puis un jour, il y a la compagnie Edison, le fameux inventeur Thomas Edison, qui a installé sa production de cylindres de phonographe sur place. Donc, les éditeurs se sont vite rendus compte que, bon, c'est bien, on a des artistes pour la scène qui viennent nous chercher des chansons, ouais. mais on peut aussi envoyer nos propres compositeurs et les artistes enregistrer sur place. Un autre phénomène aussi qui était très important, c'est qu'ils avaient de la place pour installer non seulement les compositeurs à résidence, mais également leur presse. Ouais. Alors, ils pouvaient produire leurs propres chansons sur papier et tous ceux qui étaient de passage à New York pouvaient venir écouter les chansons dans des salons et des gens s'installaient au piano, chantaient, dire « OK, voici la chanson du jour que nous avons créée. C'est un de nos futurs succès, ouais. nous en sommes convaincus. Si vous la voulez, vous allez la chercher dans le casier C3. » Alors, il y avait moyen à cette époque-là, pour peu qu'on soit à New York, d'aller s'approvisionner ouais. en tant que touristes ou public pour aller chercher des chansons. Et c'est avant la radio, évidemment, c'est avant le disque. Oui. Donc, c'est un lieu où il se produit, où on compose la musique, où on va en entendre. Ça fait partie, donc, on divertit dans oui. ce quartier-là les gens, dans les cafés. Il y a de la musique de Tin Pan Alley partout. Oui. Mais, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue. Au tout début, c'est des partitions qu'on vend. Et ce qu'on oublie, c'est qu'il y a plein de gens, il n'y a pas de disque, encore une fois, il n'y a pas de radio. Non. Les gens jouent de la musique beaucoup. Exactement. Dans leur salon. Et on veut faire en sorte de vendre un peu comme on va vendre la télévision dans les années 50. C'est-à-dire que si vous voulez être une belle famille moyenne, ça doit faire partie de l'arsenal. Ouais. Or, la télévision des années 1890, c'est le piano. C'est ce qui permet de réunir tout le monde et c'est systématique. Et dans l'esprit des Américains, ce qui fait qu'on, un peu comme à l'époque de la bonne chanson au Québec, quand on disait une famille unie est une famille qui chante. Ouais. Les Américains avaient compris ça depuis au moins plus de 50 ans avant. Et ils étaient conscients qu'en installant des pianos dans les maisons, même si les gens n'étaient pas de grands virtuoses, il y avait toujours moyen d'apprendre à ouais. lire la musique. Donc, il y avait tout un système tout à fait efficace de construction de pianos de moindre coût. Ce n'était pas des pianos ouais. de concert, c'était les fameux pianos droits. On pouvait aussi donner des leçons de musique. Et ceux qui avaient une plus grande facilité à jouer des choses plus virtuoses, on leur composait du matériel pour eux. Ouais. Ce qui va donner les novelty songs, qui vont être les pièces pour permettre à chacun de briller en société ou dans les salons. Breaking my heart, I'm beside him. Mercy, let his conscience guide him. Ma, he wants to marry me. Be my honeybee. Every minute he gets bolder. Now he's leaning on my shoulder. Ma, he's kissing me. Ma is making eyes at me, chantée par Judy Garland autour de 1939-1940 au Pepsodent Show. Ça, c'en est une de ces novelty songs dont vous nous parliez. Tout à fait. Il se trouve que dans les années 1919-1920, on faisait des chansons humoristiques, mais aussi qui permettaient, avant l'avenue des spectacles du genre Radio Crochet ou ce qui allait devenir aujourd'hui La Voix ou Star Academy, ouais, tout ce que vous voulez de concours, ça permettait de dire « OK, je vais vous faire une petite chanson qui est comique, mais accessible. » Et ce genre de répertoire-là, en fait, c'est quelqu'un qui dit « Maman, il y a quelqu'un qui me regarde et qui me fait de l'œil. » Et puis « Oh, tiens, il m'a embrassé. Ouais. » Bon, c'est tout gentil, c'est tout coquet, mais ça peut prêter à toutes les interprétations. Donc, les artistes de Broadway se les appropriaient, mais le public pouvait avoir la possibilité de montrer leur talent. C'est ça, les novelty songs. Donc, ce genre de chanson un peu fantaisiste. Il y a un autre type de chanson qui se fera beaucoup à Tin Pan Alley. Ça va nous amener à parler un petit peu de la sociologie de l'époque, ce qu'on appelle les coon songs. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime girl. Send me a kiss by wire. Honey, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then I'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. Hello, my baby, chanté par Al Jolson en 1937. Des coon songs, il y en aura beaucoup qui seront composées et écrites à Tin Pan Alley, Steve Normandin. Qu'est-ce que c'est? En fait, pendant des années, il y a eu des interdictions par la ségrégation raciale. On ne permettait pas, bien sûr, aux artistes noirs de se présenter et de travailler dans des théâtres blancs. Donc, il y a toute une tradition du minstrel show où on, à l'exemple de Al Jolson, qui lui fut peut-être la figure la plus emblématique de cette forme de spectacle, parce que le cinéma l'a immortalisé. En fait, Le premier film parlant, le Jazz Singer, en 1926, le film qui avait été produit par la Warner Brothers, n'est-ce pas, avec le procédé Vitaphone. Il se trouve que on permettait aux artistes, ou les artistes plutôt, se permettaient de se maquiller. Les artistes blancs, oui. De se maquiller en noir et de forcer le trait des lèvres et des yeux en blanc pour pouvoir incarner les Noirs et imiter la musique de jazz ou la musique des plantations de coton qui avait inspiré le jazz. Ouais, donc, blackface. Le fameux blackface. Ouais. Or, tout New York a eu de nombreux artistes. Al Jolson fut peut-être la figure la plus connue, mais Eddie Cantor a commencé comme ça aussi. Il y a eu des rangées complètes de boys et de girls. C'était tous des Blancs déguisés en Noirs. Et très souvent, c'était des artistes juifs qui interprétaient des Noirs. Et il se trouve que quand il y a un documentaire dans lequel on fait le lien, et souvent, les Juifs essayaient de prendre cause aussi pour les Noirs, mais en même temps, il y avait une certaine forme de maladresse et aussi de ségrégation parce que les Noirs ne pouvaient même pas accéder à leur propre forme d'art et montrer ce qu'ils étaient réellement. Et on les mettait au rencard et à la place, on mettait une représentation qui était caricaturale. Or, des chansons comme « Hello, my baby » ou le grand succès d'Irving Berlin qui était le « Alexander's Ragtime Band » qui a été chanté pendant de nombreuses années, y compris par des artistes noirs, comme ouais. Ella Fitzgerald ou Louis Armstrong. Il se trouve que ces chansons-là, aujourd'hui, créent une drôle d'ambivalence. Ouais. On les chante avec un certain recul, en sachant très bien bon, tout l'aspect historique, mais c'est quand même... C'est peut-être l'aspect sombre de Tin Pan Alley, en fait, mais ça répondait à ce que l'Amérique s'attendait du contact entre les Noirs et le reste de la communauté. Donc, différent, c'est normal. C'est la fabrique, c'est là où on compose à peu près tout ce qui est chanté aux États-Unis. Donc, il y a différents types de chansons. Coon song, novelty song, dont on a parlé. Oui. Puis, au fond, il y a... Vous l'avez un petit peu évoqué, mais on va écouter, en fait, Am I Blue par Ethel Waters, enregistré en 1929. Ça, c'est peut-être, puis on y revient dans un instant, la chanson type de Tin Pan Alley. Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in these eyes telling you? Am I blue? the time. Am I Blue, chanté par Ethel Waters en 1929. Comment la décrire, Steve Normandin, la chanson type de Tin Pan Alley? Ben d'abord, c'est une chanson avec une idée principale toute simple, dont le refrain est un exercice de synthèse fabuleux. Par exemple, Am I Blue? Est-ce que je suis triste que mon amoureux m'ait quitté? On tourne, on brode autour, on essaie de trouver un titre accrocheur et ouais. Toute l'idée va être autour de ce titre-là. Et dans la composition de la chanson, quand on l'entend, c'est une chose. Mais quand on voit les produits dérivés de Tin Pan Alley, c'est là où on s'aperçoit de la force de conviction et l'idée de la commercialisation même des chansons. C'est qu'avant le cinéma, les partitions avaient des dessins. Avait des photographies qui permettaient de mettre la chanson en contexte. Et le fait d'avoir des chansons peut-être très succinctes et très brèves, c'était plus facile à illustrer qu'une chanson où on doit raconter sur un long détail. Par exemple, les toutes premières chansons de Tin Pan Alley, comme After the Ball, étaient des chansons beaucoup plus narratives, où on faisait même un flashback à un moment donné. Le grand-père raconte à son petit-fils que la musique qu'il entend lui rappelle son amoureuse qui l'a laissé tomber, puis comme il s'est retrouvé célibataire, il a rencontré sa grand-mère, mais quand cette musique-là revient, il a la tristesse dans les yeux. Ouais. Bon, mais voyez, c'est long à établir. Alors que là, avec Am I Blue, ou je pense à la chanson de Irving Berlin, Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Ouais. Vous voyez, c'est le ciel bleu. Tout est gris autour de nous. Il y a la crise économique et pourtant, il y a le ciel bleu. C'est cette espèce de synthèse qui est toujours évidente et on va toujours demander aux compositeurs et aux auteurs de faire des chansons qui sont, pardonnez-moi l'expression en anglais, catchy. Il faut que l'idée soit vive et efficace dès la première écoute. Et cette vivacité, cette efficacité, on va aussi la voir à Tin Pan Alley dans le rythme absolument hallucinant et infernal de production de cette usine, de cette fabrique à chansons. Oui. Un exemple, un dernier type de chanson dont on n'a pas encore parlé, qui va émerger, qui va sortir de cette usine de chansons de Tin Pan Alley, ce qu'on appelle les chansons d'actualité. Écoutez bien l'extrait qui suit, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Extrait d'un documentaire de Great War présenté à PBS en 2017. Vous allez entendre l'auteur Richard Rubin décrire ce que c'est, ces chansons d'actualité. I didn't raise my boy to be a soldier. I brought him up to be my pride and joy. Who dares to place a musket on his shoulder to shoot some other mother's darling boy? This was a time, remember, when in a city like New York, there were a great many daily newspapers being published. C'était une époque où, dans une ville comme New York, de nombreux journaux étaient publiés quotidiennement. Mais comme une grande partie de la population ne lisait pas ou ne lisait pas l'anglais, elle s'informait à travers les chansons. Go to your local saloon after work and there'd be somebody there playing the piano. Si vous alliez au bar de quartier après le travail, il y avait assurément quelqu'un qui jouait du piano en chantant sur quelque chose qui venait de se passer. Les auteurs de chansons attrapaient les journaux en se rendant au bureau le matin, lisaient des histoires pour ensuite écrire quelques chansons sur ces sujets avant le déjeuner. Ils étaient publiés en fin de journée et mis en vente dans la rue. They'd be published by the end of the day and for sale on the street. 10 million soldiers to the war have gone, who may never return again. I didn't raise my boy to be a soldier. Was a mother's plea. I didn't raise my boy to be a soldier. Était le plaidoyer d'une mère en faveur de la neutralité. Ce n'était pas seulement une chanson entraînante, c'était aussi ce que les gens ressentaient. It wasn't just a catchy tune, it was what people were feeling. Ça, c'est complètement... c'est fascinant d'entendre ça. Le rythme de production, les chansons qui s'inspirent de l'actualité, un jour, quelques heures plus tard, une nouvelle devient une chanson. Bien sûr, mais c'est une folie et en même temps, une réalité qu'on a perdue. Les gens vivaient dans la rue. Ouais. Eux, leur baromètre, c'était qu'est-ce que les gens vivent au quotidien. Un grand succès des années 1922-23, « Yes, we have no bananas », l'histoire du gars qui vend des légumes et des fruits, puis il dit, il veut être optimiste, il veut pas perdre sa clientèle, il dit « Oui, on n'a pas de bananes, ouais. on a des oignons, on a toutes sortes de choses, mais oui, on n'a pas de bananes. Ouais. » Or, il prenait l'essentiel, c'est comme une plaque sensible de photographie, et les auteurs de chansons en étaient conscients. Ouais. Or, d'être comme ça dans un quartier très populeux, à un moment donné, la chanson les dépasse. Quand arrive le cinéma, ils se rendent compte que là, la rue, elle suffit plus. Ils ont un véhicule fabuleux qui va à une vitesse de fou. C'est un cinéma qui parle. Ouais. C'est une radio dans laquelle il suffit de tourner le bouton pour qu'une chanson arrive. Ça, donc, c'est le début du déclin, là. C'est le début du déclin. Le grand moment de Tin Pan Alley, c'est vraiment 1890 jusqu'à les années 20-25. Ouais. Ça, c'est vraiment Broadway et la scène et l'établissement même du végétariat. Déjà, quand le cinéma se met à parler, beaucoup d'éditeurs, Irving Berlin en tête, vont quitter New York pour s'établir à Hollywood. Et tous ceux qui voudront essayer de faire survivre Broadway vont déménager dans un immense building en 1931, le Brill Building. Ouais. Et à partir de ce moment-là, le 12e étage va être consacré, un peu comme la rue, à l'établissement des éditeurs et des compositeurs, alors qu'au-dessus, on va construire les studios les plus modernes de New York et les compositeurs n'auront qu'à monter d'un étage pour aller enregistrer directement toutes les chansons. Ce qui n'est pas si loin, pour en terminer là-dessus, mais à plus petite échelle, c'est concentré dans un immeuble à ce moment-là, mais j'allais dire ce qui n'est pas si loin du modèle de l'industrie musicale encore aujourd'hui, non? Tout à fait, mais... Qu'est-ce qui reste de Tin Pan Alley dans cette industrie aujourd'hui? Je pense que c'est peut-être la convergence. Les éditeurs peuvent davantage travailler pour soi. Ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, on peut être partout sur la planète et pouvoir envoyer de la musique, mais partout. Ouais. Or là, il fallait vraiment que les gens de l'industrie se rendent directement sur place, dans ce cas-ci à New York, pour pouvoir aller chercher des chansons et les diffuser. Ils avaient concentré les énergies. Ce qui va donner un coup dans les reins à Tin Pan Alley, c'est quand le rock and roll et l'établissement des studios à Nashville et à Memphis, le Sud n'aura plus besoin de monter au Nord pour se faire valoir. Toutes les chansons vont être produites sur place. Or, il y a quand même toujours une production musicale vivante avec Tin Pan Alley, mais au lieu de faire de la musique populaire via le disque et le cinéma, on va se tourner davantage vers les productions de la scène de Broadway. Ouais. Et à ce moment-là, les éditeurs auront l'intelligence de se moderniser. Mais l'esprit même de la chanson populaire, sans Tin Pan Alley, on n'aurait peut-être pas toute la musique telle qu'on l'a aujourd'hui. Steve Normandin, c'était fascinant. Merci beaucoup, Steve. Merci infiniment. Steve Normandin, auteur, compositeur, interprète, ami de l'émission. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Give my regards to Broadway. Remember me to Herald Square. Tell all the gang at 42nd Street that I...